12 ou 16 activations dictées. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage deux fois. Marlo, lève-toi. Allez, lève-toi. Eh bien, tu te lèves? Ouais, je me lève. Allez, lève-toi. Eh bien, tu te lèves?